Les femmes sénégalaises vivant en Catalogne ont fait le bilan de leur lutte pour accéder à une reconnaissance de leurs droits. Ces femmes d'origine sénégalaise ont ensemble avec leurs sœurs des autres pays d'Afrique célébré ce 20 mars la journée internationale de la femme travailleuse. Avec des semaines de retard, mais comme il se doit, ces femmes venues des quatre coins de la Catalogne l'occasion a été saisie pour aussi faire le bilan de la lutte de ces mères de famille pour accéder à une digne et respectable vie. Elles représentent, rappelons-le, presque 30% de la population totale des Sénégalais vivant en Catalogne. Elles sont pour la plupart du temps venues en Espagne par regroupement familial sur demande de leur mari. Seulement, figurez-vous, ces femmes qui n'avaient jusqu'à une date récente pas accès au monde laboral, perdent aussi le droit de séjour si par malheur le mari perd son travail. Pour parler des articles 2, 18, 9 et de ce thème qui semble gêner dans un Barcelone dit d'intercultural et d'intégration, notre invité est le président de l'ACRES, c'est l'association catalane des ressortissants sénégalais. Une organisation, rappelons-le, qui s'est aussi fixée comme mission sacerdotale la promotion sociale et économique de ces nouvelles catalanes, comme les appelle affectueusement.